Je garde au fond du cœur les gestes d'autrefois, ces moments de bonheur qui n'appartiennent qu'à moi. Sa main dans mes cheveux, tes bras autour de moi, vous étiez tous les deux mon bien le plus précieux. Vous avez su me dire les mots qui rassuraient quand les larmes et les rires parfois se mélangeaient. Face à face et de vous à moi, j'aurais voulu vous dire tout ça, tout ce que j'ai gardé pour moi. Face à face et de vous à moi, même si le ciel ne m'entend pas, je vous aime et voilà pourquoi mon cœur s'est brisé ce jour-là. De vous, j'ai tout appris, l'amour et la souffrance, les couleurs de la vie, l'éphémère existence. La lumière aujourd'hui me vient de l'intérieur, c'est elle qui me conduit à donner le meilleur. Je sais que désormais, si le temps avance, je n'oublierai jamais, il me reste l'absence. Face à face et de vous à moi, j'aurais voulu vous dire tout ça, tout ce que j'ai gardé pour. Je vous aime et voilà pourquoi mon cœur s'est brisé ce jour-là. Face à face et de vous à moi, j'aurais voulu vous dire tout ça, tout ce que j'ai gardé pour moi. Je vous aime et voilà pourquoi mon cœur s'est brisé. Sur...